Bako, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 16 novembre 2022. En voici les grandes articulations. Le Premier ministre burundais a décidé la saisie de 40 millions de francs burundais sur le compte de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Aucune association ou coopérative n'est autorisée à faire payer une quelconque cotisation aux pêcheurs dès ce 15 novembre 2022, a-t-il déclaré. Gervais Ndirakobuta était en province Rumonge ce mardi. Le gouverneur de la province de Kayanza, Rémi Chishahayo, demande à l'administration communale et à la direction de l'enseignement de la commune de Gatara de convoquer les états généraux de l'éducation. Cette entité scolaire enregistre de mauvais rendements scolaires. Nous appellerons notre correspondant là-bas. Et dans la chronique sur les messages de haine, une socio-anthropologue nous dira que les discours justifiant les violences du passé sont à considérer comme des mécanismes de défense. Alors qu'en actualité internationale, la fusée la plus puissante du monde, Artemis, a décollé ce mercredi 16 novembre pour la première fois depuis la Floride aux États-Unis. Et c'est pour une mission marquant le grand début du programme américain de retour sur la Lune. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, c'est ce mercredi que les cérémonies de célébration de la semaine dédiée aux héros ont commencé en commune mandat de la province de Bubanza, des cérémonies qui ont débuté par une messe célébrée à la succursale de la paroisse catholique Gifurgui. Cette messe a été suivie par une marche jusqu'au monument du combattant dans la même commune. Révérien Dikuriyo, secrétaire national du parti au pouvoir, a rappelé que c'est pour se souvenir de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, mais aussi ceux qui ont été lâchement assassinés par leurs dirigeants. Le numéro 1 du parti CNDD FDD au pouvoir a appelé tout responsable de bien enquêter avant de prendre une décision. L'ombudsman burundais dit avoir respecté la constitution de la République du Burundi qui oblige les hauts dignitaires à déclarer leurs biens au début et à la fin de leur mandat. Lors de la présentation ce mardi des réalisations de son institution durant son mandat de 6 ans, Edouard Nduimana a indiqué que ce geste rentre dans le cadre du respect de la bonne gouvernance garantissant un état de droit. Il a d'ailleurs encouragé les autres à faire de même. On l'écoute. À l'entrée en fonction, l'ombudsman doit déclarer les biens et aussi à la sortie, à la fin de ses fonctions, il a cette obligation de déclaration des biens. Je voudrais porter à la connaissance de l'opinion nationale internationale et surtout à vous les journalistes que ce devoir constitutionnel et légal a été respecté. Nous avons à l'entrée, déclaré nos biens et à la sortie, pas plus tard qu'hier, nous avons été à la Cour suprême pour déclarer nos biens. C'est une déclaration auprès d'un service public. Quiconque a un intérêt, toute personne intéressée, y compris le ministère public, peuvent aller vérifier les biens dont dispose M. Nduimana Edouard. Et nous sommes également à la disposition de quiconque pour pouvoir les justifier le moment venu. Donc, j'encourage d'ailleurs tous ceux qui sont obligés par la loi pour faire cette obligation de le faire, parce que ça fait partie également de la bonne gouvernance et du respect d'un état de droit. L'ombudsman burundais Edouard Nduimana, dont les propos ont été recueillis par Francine Ndihokugayo. Je venais de vous le dire dans les titres, aucune association ou coopérative n'est autorisée à faire payer une quelconque cotisation aux pêcheurs dès ce 15 novembre 2022. C'est une mesure prise par Gervais Ndirakobuta, premier ministre burundais, lors de sa descente en province Rumonge ce mardi. C'est après le constat que la coopérative des pêcheurs et la fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons burundi divergent sur les différentes cotisations versées par les pêcheurs. Et au cours d'une réunion avec les chefs des différents services opérant dans cette province, le Premier ministre burundais a décidé la saisie de 40 millions de francs burundais sur le compte de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons burundi destinée à la construction des latrines publiques sur les différentes plages de pêche. Pour Gervais Ndirakobuta, les infrastructures publiques sont construites ou aménagées par le gouvernement burundais. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Des problèmes perpétuels sans solution sont parmi les causes de suicide, analyse d'un psychologue qui travaille dans un centre neuropsychiatrique. Pierre Claver-Ndjimana propose par conséquent de commanditer une étude sur les causes profondes de ce problème. Cette réaction vient après avoir découvert qu'en province Kayanza, plus de 25 personnes se sont suicidées au cours de deux dernières années. Suivez-le au micro de Vestine Boutouille. Les problèmes qui minent le monde sont variés et on peut assister à des personnes qui se donnent à la mort, donc qui se suicident. Alors, les raisons du suicide sont variées. Il y a d'abord les problèmes de tous les jours que vit la personne, lesquelles personne ne parvient pas à trouver une solution durable à ces problèmes. Alors, si ces problèmes perdurent et que la personne ne peut pas trouver une solution, la seule solution qui lui reste, c'est de se suicider. Elle va dire plutôt qu'elle a tenté mettre solution, lesquelles solutions n'ont pas eu d'issue. Et voilà, ils vont dire on en est trop, donc il faut finalement chercher une solution durable qui est la mort. Alors, quant à la recrudescence des cas de suicide en province de Kayanza, on peut nous faire des hypothèses. Comme vous le savez, la province de Kayanza est une province qui est très surpeuplée. Les familles ont des problèmes de terre. Vous allez trouver par exemple une famille qui compte plus de 10 enfants. Et il y a le papa qui est là, qui assiste à ses enfants qui vont mourir de faim. Et il va dire finalement, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai pas à donner à manger, comme j'ai pas à donner ou cultiver. Donc finalement, on peut se poser la question de savoir quelle est la solution durable. Et la personne a fait un cri d'alarme qui n'a pas trouvé d'écho et la personne peut finalement décider de mettre fin à sa vie. Alors, pour qu'on puisse en fait tirer des conclusions, je pense qu'une étude devrait être menée en province de Kayanza pour voir si, évidemment, ces hypothèses qu'on peut se poser en rapport avec l'exiguïté des terres, en rapport avec la démographie, en rapport avec ces problèmes justement liés à l'économie, que ça ne peut pas être justement la cause de ces cas de suicide qui deviennent très nombreux en province de Kayanza pour pouvoir de répondre convenablement à cette problématique. Il faut qu'une équipe des experts puisse descendre sur la province de Kayanza et interroger les familles qui ont des personnes qui se sont données à la mort pour qu'ils donnent leur point de vue afin de tirer des conclusions qui soient un peu scientifiques. Pierre Claver-Ndjimana, il est psychologue. On est à Kayanza, on y reste et c'est pour parler éducation. Le manque d'encadrement des enseignants par les responsables scolaires, une mauvaise collaboration entre eux sont certaines des causes du mauvais rendement scolaire enregistré en commune de Gattara. Propos du directeur provincial d'enseignement ce jeudi à Gattara. C'était à l'occasion d'une réunion qui a regroupé le gouverneur de province et les élus locaux. Rémi Tshishahayo demande à l'administration communale et à la direction de l'enseignement dans cette commune de convoquer des états généraux de l'éducation pour étudier comment redresser la situation. Correspondance de Patrick Nsengiyumva. Certaines des écoles fondamentales de la zone Mbilizi en commune et Gattara qui enregistrent de mauvais résultats dans le concours national sont principalement les Kofo Kibaye Kanyanguru. Du moment que le taux de réussite au concours national édition 2020-2022 est de 92% au niveau de la province scolaire Kayanza, 88% au niveau de la commune scolaire Gattara, le taux de réussite de l'école fondamentale Kibaye est évalué à 36% et pour Kanyanguru 52%. Désiré Atungimana, directeur d'enseignement en province Kayanza, déplore que les mauvais résultats enregistrés par ces établissements scolaires font chuter le taux de réussite de la commune scolaire et celui de la province scolaire également. Certains des facteurs de l'échec à ces écoles fondamentales Kibaye Kanyankuru Serolo, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, sont principalement les directeurs d'école qui n'accomplissent pas convenablement des missions leur assignées, surtout dans l'encadrement des enseignants qui ne préparent pas les leçons par conséquent, ceux qui ne donnent pas le nombre maximum des interrogations prévues et d'autres qui ne terminent pas les programmes d'enseignement scolaire prévus par le ministère et à l'éducation nationale dans ses attributions. La question du mauvais rendement scolaire en zone Mbilizi reste préoccupante, selon la directrice communale de l'éducation à Gattara et d'ailleurs d'après le directeur communal d'enseignement, certains enseignants qui ne veulent pas changer positivement sont punis conformément à la loi. À l'occasion de la réunion du gouverneur de la province Kayanza avec les élus du peuple au niveau des collines et des zones ainsi que des chefs de service en commune Gattara, cette autorité provinciale à Kayanza a demandé que toutes les parties prenantes de l'éducation en cette commune se rencontrent afin d'étudier comment redresser la situation dans l'éducation dans cette zone. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. On progresse un peu plus au nord, en Ngozi, où les robinets de l'école fondamentale Kabéré des environs seront bientôt rouverts après un bon bout de temps de fermeture. Annonce du président de la régie communale de l'eau Ngozi après des lamentations des parents d'élèves de cette école. Égide Nizigimana parle du tarissement des sources de captage sur le mont Mukinya et non d'une simple fermeture. Il rassure que des bienfaiteurs sont en train de chercher d'autres sources pour la réhabilitation de ce réseau. On l'écoute. Il y a une pénurie d'eau à l'Ekofo Kabéré, ce n'est pas seulement à l'Ekofo Kabéré, mais sur toutes les collines de la zone Mivo, il n'y a pas d'eau. Il y avait un captage au niveau du mont Mukinya, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul. Pourquoi ? C'est parce que l'eau qui venait de cette colline Mungere passait par les collines de Mungere, Mivo, Chigumije, Gahengeri et Shango, et même sur la colline Mirango, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Le problème alors qui réside à l'Ekofo Kabéré, c'est un problème majeur. Mais il y a un projet qui s'appelle Amazu Water, provenant de la présidence de la République. Il y a 5 collines qui ont été choisies dernièrement. Aujourd'hui, on nous a dit de choisir 5 collines aussi. Et cette colline Mirango, où est implantée l'Ekofo Kabéré, aura choisi pour que dans les jours à venir, on puisse tester. Donc, ce sera un atout pour les élèves et pour la population d'alentour. Nous disons à toute la population de la colline Mirango que ce projet va bientôt commencer. Si Amazu Water, le projet, c'est un forage. Et Amazu Water vient tester l'eau sur cette colline. Si l'eau alors parvient à venir, vous comprendrez que la population va en bénéficier. Égide Nizigimana, président de la régie communale de l'eau. On termine ce petit tour de certains de nos correspondants par Chivitoke, où nous retrouvons Alexis Ndayirakiji. Il nous rapporte que les habitants de la zone Kilamira de la commune Rugombo réclament la réhabilitation de la route donnant accès au chef-lieu de la province Chivitoke afin de faciliter les échanges commerciaux. L'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manirakiza, leur demande plutôt d'essayer de faire de leur mieux en attendant pendant les travaux communautaires, en attendant le concours des bienfaiteurs. La route reliée à la zone Kilamira avec le chef-lieu de la province Chivitoke et le chef-lieu de la commune Rugombo se trouvait pour le moment en mauvais état, suite à l'érosion. Dans plusieurs endroits, cette route est remplie de nids de pôles, des crevasses perturbant la circulation des véhicules empruntant cette route. Les habitants de la zone Kilamira indiquent que cette route permettait surtout l'écoulement de leurs productions comme la banane, le manioc et surtout le vin de banane, communément appelé Rugombo. Ils précisent bien qu'avec la démolition de cette route, cet écoulement de leurs productions sera difficile tout en demandant sa réhabilitation. L'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manirakiza, demande aux habitants de Kilamira de boucher ses crevasses et nidopoles dans les travaux communautaires en attendant qu'il y ait des bienfaiteurs qui peuvent appuyer dans la réhabilitation de cette route. Depuis Chivitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal avant la chronique sur les messages de haine. La fusée la plus puissante du monde a décollé mercredi 16 novembre, ce matin, pour la première fois depuis la Floride aux États-Unis. Et c'est pour une mission marquant le grand début du programme américain de retour sur la Lune. La fusée s'appelle Artemis et pour ce vol test, lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la capsule Orion, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune, mais s'aventurera jusqu'à 64 000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable. Le but de cette mission Artemis 1, qui doit durer un peu plus de 25 jours, c'est de vérifier que ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les toutes prochaines années un équipage jusqu'à la Lune. Et après la France, la Suède et le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire a annoncé un retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation de la région. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023. C'est le contenu d'un courrier rédigé par la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU et adressé à Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies. Cette lettre ne donne pas les raisons de ce retrait progressif, Mais il intervient alors que les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire se sont considérablement dégradées depuis l'affaire dite des 49 militaires, des soldats arrêtés et placés aux arrêts à Bamako le 10 juillet dernier. C'est ce que rappellent nos confrères de Radio France Internationale. Place maintenant à la chronique sur les messages de haine. Parle, rassure-moi. Les discours justifiant les violences du passé sont en considérés comme des mécanismes de défense. La socio-anthropologue Divine Nina Azoué indique que cette façon de simplifier les violences observées dans le passé alimente la haine chez les victimes qui trouvent ainsi la nécessité de se venger. Selon elle, l'État doit jouer le rôle majeur dans la lutte contre l'utilisation de ces messages. Ornella Mucho. Les groupes de gens qui sont auteurs des violences de masse observées dans le passé veulent se justifier ou se victimiser à travers les discours ou les messages qu'ils essaient plutôt de se défendre. Ce qui suit, c'est rejeter la faute à l'autre groupe, que ce dernier est responsable à leur place. Explication de la socio-anthropologue Divine Nina Adwe. Il y a des personnes qui cherchent toujours à se débarrasser des fautes qu'ils ont commises, soit sous prétexte de vouloir se remettre à la très bonne place. Par exemple, soit ton Hutu, on te dit que ton ethnie ou bien ton côté a été depuis longtemps soumis à des manipulations. Et de l'autre côté, il y a des Tutsis qui racontent, par exemple, que l'autre partie, ils vous ont massacré, ce ne sont pas des humains, il faut les haïr, qu'il faudra se protéger contre eux. Comme conséquence, cette accusation et justification entraînent des vengeances répétitives. Les auteurs de ces violences veulent échapper à la responsabilité de ce qui s'est passé, dans le but d'accuser les autres. Cela constitue un germe de la crise, car tôt ou tard, cela peut exploser et entraîner des vengeances continuelles, ce qui peut aussi détruire le tissu social. L'État doit prendre toutes mesures visant à lutter contre la prolifération de ces messages et surtout lutter contre l'impunité. Il faut d'abord que la justice fasse son travail. Et quand la justice prend les choses en ses mains, c'est une bonne leçon pour les générations futures qui ne pourront pas commettre des violences pareilles. Autre chose à faire, il faut qu'il y ait un comportement de l'autorité au simple citoyen, verbal mais aussi pratique, qui va dans le sens de bannir et d'éradiquer les discours qui justifient les violences de masse qui ont secoué le Burundi. De l'autre côté, les récepteurs de ces messages doivent être prudents et sélectifs pour ne pas tomber dans le piège. Merci Ornella Mucho. Ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous séparer, j'en rappelle les grandes articulations. Le Premier ministre burundais a décidé la saisie de 40 millions de francs burundais sur le compte de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi. Aucune association coopérative n'est autorisée à faire payer une quelconque cotisation aux pêcheurs dès ce 15 novembre 2022. Gervé Ndirakobucha était en province Lomongue ce mardi. Le gouverneur de la province Kayanzar et Michi Shahayo demande à l'administration communale et à la direction de l'enseignement dans la commune d'Ogatara de convoquer les états généraux de l'éducation. Cette entité scolaire enregistre un mauvais rendement scolaire. Vous venez de le suivre dans la chronique sur les messages de haine. La socio-anthropologue nous a dit que le discours justifiant les violences du passé sont à considérer comme des mécanismes de défense du moi. Et en actualité internationale, la fusée Artemis, la plus puissante du monde, a décollé ce mercredi matin, 16 novembre, pour la première fois depuis la Floride aux États-Unis. Et c'est pour une mission marquant le grand début du programme américain de retour sur la Lune. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi. Jean Bosco, Douimana.